Soyez les bienvenus sur l'antenne de Galaxy Radio pour cette nouvelle édition de Sans pleurer sans reproche. C'est la deuxième de la rentrée, on est bien en forme, je suis très très content de vous retrouver sur les ondes de Galax. De retrouver mon pote aussi en chair en os parce que on s'est pas vu pendant un long moment. Décidément, cette année 2020 est vraiment particulière. Elle est un peu casse-pied, faut pas se cacher la vérité. On n'est pas gâté par, par le virus. Et ouais, ça donne un climat assez pesant, mais bon, on est là aussi pour apporter un peu de légèreté, de joie dans vos cœurs. Exactement. Dans vos tripes et votre âme aussi. Exactement. Et pour ce soir, on a commencé avec un groupe de la région qui s'appelle simplement Original Band. On a l'album depuis, on va dire, le 14-15 mars, hein, juste avant le confinement. Mais vu le bazar que ça a créé, on n'a pas pu le présenter en direct, surtout que je tenais absolument à voir les membres de Original Band ici dans les studios pour en parler. Ils arrivent. Ah, ils sont là, je les vois. Ils viennent d'arriver. On vient de s'écouter le morceau No Name Song. C'est un inédit, c'est une exclu. Hein. C'est rien que pour nous, pour Sans pleurer, sans reprocher Galaxy Radio. Cet album s'appelle The Forgotten Garden et ça sort chez Foundry Records. On n'en fait pas un laïus tout de suite puisqu'on va le faire tout à l'heure avec Pascal et Ludo de Original Band. Allez, moi je te propose de retrouver la sélection de lundi dernier. Apparemment, ça fait un gros carton sur les podcasts, hein, Walter. Ah ouais. On était attendus, tu sais, je te le dis. On va retrouver le trio Rue Oberkampf qui sort son premier album, Christophe Philippe. Et c'est une grande découverte pour moi, c'est une révélation. Ils sont à l'égal de groupes comme Dissélection ou Schwebelgalb qui sont des compatriotes. Ils font partie vraiment du trio de tête dans le domaine Technobody, Wave, etc. C'est vraiment très très bon. On va s'écouter tout de suite un nouvel extrait. Et d'ailleurs, ce sera enchaîné par le trio de choc que j'ai donc précité. Rue Oberkampf, Dissélection et Schwebelgalb. Tout de suite dans Sans pleurs et sans reproches. A tout à l'heure. C'est Julia de Jouy de rue Oberkampf. Vous écoutez Simpleur et sans reproche sur Galaxy Radio. Can catch me. best electronic music. En tout premier, rue Oberkampf, la révélation, le gros coup de cœur de Sans pleurer sans reproche pour cette rentrée 2020-2021. C'est leur premier album, il s'appelle Christophe Philippe. Il est paru sur un jeune label également. Le titre diffusé était Cult, un hymne EBM qui est une influences majeures pour ces jeunes gens. Un trio de Munich qu'on va suivre de très très près. Après rue Oberkampf, on a retrouvé d'autres Allemands, Die Selektion, qui aussi nous ont offert quelque chose d'assez original, un mélange d'EBM, de rétro wave et également l'utilisation de trompettes, voilà, dans leur musique, ce qui donne un petit côté un peu catchy, c'est vraiment sympa. Dans l'occurrence, il n'y a pas de trompette, on se trompe pas non plus. C'est fait pour les dance floors, c'était le titre Culture Atom, remixé par Tommy47, redoutable, que je diffuserai dans mes prochains sets si un jour on peut enfin mixer dans une soirée. Ah oui. Au pire, on le fait à la maison. Allez, chiche. Voilà, ça provient d'un EP vinyle à tirage limité qui s'appelle Deine Stimme ist der Ursprung Jetliker Gewalt, remixed. Et c'est une sortie chez Aufnahme und Wiedergabe, qui est un excellent label. Pour terminer, bien sûr, ceux qui ont un petit peu lancé ce fameux mouvement rétro wave, ce sont les Allemands de Schwefelgelb, deux producteurs sont vraiment très talentueux. J'ai décidé de revisiter leur premier album, enfin deuxième album, on va dire, Alt und Neu, qu'on peut traduire par l'ancien et le nouveau. Le concept est posé, la musique est vraiment. Je suis ultra fan. On s'écoutait Alles Verspielt et c'est une parution sur le label Tape It Records. J'espère que vous avez apprécié et je pense que ce qui va suivre, ça va également beaucoup vous plaire, hein, Walter. Mais je sais déjà que ça va te faire sourire, Greg, parce que la semaine dernière, j'ai parlé de Nourou Nibar et là, ce soir, je vais parler de Pequette. Ah. c'est involontaire de ma part, mais c'est une excellente découverte pour le label Anzen. Alors Kekate, ce sont deux Allemands qui proposent leur première production, ce qui est éponyme, hein, donc sur laquelle les atmosphères sont vraiment magnifiques. J'espère franchement qu'ils continueront à sortir ce genre de morceaux, parce que j'ai vraiment adoré cet album. On s'écoutera le morceau Raheim, et on continuera avec une nouveauté d'un label français, pour terminer avec Proba. Activation. Kaiket avec le morceau Raem de l'album éponyme qui sort chez Anzen. Ensuite, c'était Crush of Souls. C'est un projet franchement atypique pour ce New-Yorkais venu vivre dans l'Est parisien. Il a fait partie de Flowers of Evil, par exemple. Sa musique désoriente volontairement l'auditeur par un incroyable mélange de styles orienté goth rock avec une touche industrielle. Là, ce soir, j'ai passé le morceau Confusion. C'est le morceau le plus calme. C'est EP, s'appelle Bad Trip. Et c'est sorti sur le très bon label français Shortcoming Records. Cette séquence est terminée avec le morceau Riot de Probe. C'est sorti sur Infected Recording. Ce EP s'appelle Tension. Il y a un remix de Xavier Morales qui a fait partie de Rain Conflict, un de Robert Staub et un de Tom Wax, qui fut notamment un des directeurs de Music Research dans les années 90. Ah, ça je savais pas. Ouais. Et qui a rejoint d'ailleurs. Bah, c'était une nébuleuse, c'était une grosse ouais. Nébuleuse Music Research. Il bosse maintenant avec Infected Recordings aussi. Ouais. Tout à fait. En fait, pour ce soir, je n'ai pas diffusé Tension, mais j'ai choisi l'inédit. Écoute, Walter, ça va être toi qui va poursuivre. C'est encore moi? Ouais, eh écoute. Bah, j'ai adoré tes séquences, alors je me suis dit, allez, hop, c'est à on y va. Oh, merci, ça fait plaisir. On voit du bois. Écoute, on va s'intéresser à un retour. C'est le groupe danois In Absentia. C'est le premier single depuis 2012, l'année où Tommy Kullmann et ses comparses avaient stoppé leur machine. Depuis 2019, Tommy Kullmann a dû avoir un changement dans sa vie, parce qu'il est plus actif que jamais. Il a retrouvé l'ANIA qui a fondé, par exemple, Negant. Faut savoir aussi que In Absentia reprend du service pour fêter leurs 30 années d'existence. Un album devrait sortir en 2021 et portera le nom de Reanimated. Là, on s'écoute tout de suite le single Insanity et ça sort chez Tiny Torturous. On s'écoutera ensuite une nouveauté de chez Avant Records. Thank you. In Absentia avec le morceau Insanity, c'est le single qui paraît là ce mois-ci. Et ça sort chez les Danois de Tiny Torturous. Ensuite, une nouveauté de chez Avante Records. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de ce label italien. C'est un trio de Boston et c'est leur tout premier album après deux EP. Ça s'appelle House of Hounds. On s'est écouté Isolator de l'album donc Vicious Pastime. C'est sorti le 4 septembre. Ils ont déjà fait la première partie de Editors, She Passed Away, Lust for You ou encore Revolt Gabriels de The Cure. C'est presque en dehors du créneau underground, il y a un fort relent commercial dans leur musique. Ce n'est pas un reproche, au contraire, d'autant que la musique est bien pensée et produite. J'ai accroché directement. Pour finir cette séquence, Augustus Miller. Peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais en fait c'est la moitié de Boy Archer. C'est ce jeune petit magicien derrière les machines donc de Boy Archer. Il sort son tout premier album solo. Il s'appelle Machine Learning Experiment. Et c'est suite à la parution de deux films du collectif pseudo-porno artistique et déjanté, et surtout anticonformiste des Anglais de Four Chambers. La musique est très très intéressante. Et vu le succès de Boy Archer, le label qu'ils gèrent eux-mêmes du doux nom de Newt Club Records sort cette BO en trois versions différentes vinyle, clair, blanc et bleu. Et aussi une version CD. Ah, écoutez les gars, je vois que vous êtes prêts devant moi. Bonsoir. On reçoit les original band ici dans les studios. Alors, on va faire ça bien, on va passer un petit générique de fond, musique original band. Alors j'ai devant moi dans les studios de Galaxy, il y a Ludo, il y a Pascal de original band. Bonsoir. Alors je suis très content de vous avoir ce soir. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, on a l'album depuis le mois de mars, ici à Sans pleurer sans reproche. Cet album qu'on présente en exclusivité sur Galaxy Radio, on est d'accord, hein ? C'est ça. S'appelle ? The Forgotten Garden. Il sort quand exactement ? Il sort fin octobre. Fin octobre ? Ouais. Et vous avez déjà les CD pressés ? Pas encore. Pas encore ? Parfait. Ça part au pressage. D'accord. On s'est écouté en toute première partie d'émission No Name Song. Alors, on va parler. On va refaire une brève biographie de Original Band. Depuis quand vous existez ? Là, maintenant, vous êtes deux, mais... Ça fait 10 ans qu'on existe. Donc, Ludo et moi avons créé ce groupe. Ensuite, il y a Jérôme Mopti qui nous a rejoint. Jérôme Gumet. On a fait quelques concerts avec eux, dont le Printemps de Bourges. Ensuite, la vie a fait que chacun a pris des chemins différents et on est resté soudés, Ludo et moi. Voilà, et on persévère, on continue. Duo gagnant. Voilà. Notamment pour cet album donc, qui s'appelle The Forgotten Garden. Franchement, ça fait très longtemps qu'on l'attend, cet album. Très longtemps. Ça fait combien de temps ? Oh, très longtemps. Moi, j'ai envie de dire que depuis qu'on se connaît, nous, j'attends cet album. C'est ça. Bon. Donc ça va faire 10 ans finalement. Oui, les aléas de la vie hein, qui ont fait que... Mais vous avez bien fait, moi je sais aussi pourquoi vous avez attendu tant de temps, parce que en fait vous bossez sur des vraies machines. Vous n'êtes pas les petits genoux derrière des softs. Hein, Ludo, tu peux parler, tu es là pour parler. Je sais que t'es un grand timide, mais... Tout à fait. Il faut que tu parles de tes machines. Les machines, ouais, je travaille beaucoup sur les machines, quoi. J'exploite les synthés, je reprends un autre nouveau, j'exploite, je sample. Et c'est comme ça que je crée mes compos, quoi. Et du coup, c'est Pascal qui arrive ensuite pour poser les voix ou... On compose ensemble. Donc Ludo amène une idée et puis on... On peaufine. On peaufine, c'est ça. Et puis on pose les textes sur la musique. On met des accords et puis après... Ça vient tout seul. Alors, comme je le disais, cet album, on l'a depuis le mois de mars. J'ai bien eu le temps de l'écouter. Franchement, bravo les gars. Merci. Niveau musique, c'est une Sims Pop. Hein. Je la qualifie comme ça. J'espère que vous serez d'accord. Ah, c'est ça. Elle est stricte et impeccable. Je suis très, très content que notre région propose des groupes de cette qualité. Vos compositions sont vraiment travaillées, sont quasi, on va dire, parfaites parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'équilibre dans votre musique et notamment aussi avec ta voix, Pascal. Il y a quand même du boulot d'IA derrière. Merci du compliment, ça nous touche. C'est sincère, c'est sincère. On n'est pas seul, on est... Non. Il y a Peter Renman qui nous a beaucoup aidé, ouais. Qui nous a beaucoup conseillé, qui fait. Nous a surtout écouté, respecté nos choix, nos envies. Et c'est un gars formidable et je le remercie, mais je voudrais remercier Greg, car c'est lui qui nous a mis en contact, qui nous a présenté. Ouais. Sans ça, je pense qu'on n'aurait pas vraiment évolué, je dirais. Car les idées des uns et des autres, ça nous a enrichis. Vous aviez besoin d'un petit coup de pouce comme ça ? Je pense. Un petit coup de pied aux fesses. Ça fait du bien de temps en temps. C'est ça. Donc c'est amical. Donc, merci à vous. Oui. C'est Greg, il est là, il filme. Ouais. Merci Greg. Merci Greg. Ouais, les gars. Et qu'est-ce qui vous apporte ? Est-ce qui modifie les compos en elles-mêmes ou c'est un petit peu de prod au niveau des sons, par exemple ? Il apporte... Une petite touche. C'est critique. Sur certains morceaux, il n'apporte pas grand-chose. Pour lui, il ne faut rien toucher. Certains autres, il va poser sa patte. Sa petite touche, moi, j'ai cru que qu'il y avait une grosse touche, moi, en fait. Ah oui ? Mais il ne parle pas de musique. Débrouillante. Cela ne nous regarde pas. Quel est le thème de cet album de Forgotten Garden ? Il fait quand même référence à un grand groupe quand même. Lequel ? Je connais très peu ce groupe, mais bon. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs influences dans cet album. Bon, allez, on va le dire, Depeche Mode. Mais je dirais que c'est une influence de l'ancien Depeche Mode. Mm-hmm. Ouais. Pas le Depeche Mode d'actualité. Ouais. On n'est pas un groupe rock. Je dirais que Depeche Mode est devenu plus rock. Et nous, on est plus années 80, quoi. Plus New Wave. Je peux faire référence aussi à Front 242. J'adore ce groupe. Et un beau t-shirt en plus. Voilà. Il y a un certain morceau de l'album qui s'appelle In My Mind, qui est un petit peu différent des autres. Hein. Et c'est un petit clin d'œil à Front 242. Voilà. Donc, il n'y a pas que Depeche Mode. Tu sais que c'est celui qu'on va diffuser juste après. Voilà. Donc, ça tombe bien que tu en parles. Combien de temps, enfin ? Il y a combien de morceaux ? Je m'en souviens plus. Il y a 10 morceaux. 10 morceaux. Donc, ce sont d'anciennes démos que vous avez rebossées ? Ce sont des nouveaux morceaux que c'est vous avez... Celui-là, c'est des anciennes démos qu'on a rebossées. Voilà. On a pas mal de démos. On a de quoi faire un deuxième album sans problème. On continue de bosser sur de nouvelles compositions. Donc on espère déjà que celui-là aura du succès. Mmh. Et plaît aux gens. Je pense qu'il va plaire. On espère. J'en ai aucun doute. Donc, il sort dans le mois d'octobre. Fin octobre. Oui. En CD. En CD. Sur Foundry Records. C'est Foundry Records. Donc, un petit clin d'œil à Foundry Records. Parce que voilà, ça fait partie de Nicolas, du groupe Waiting for Words, Zen, et Peter. Parce qu'ils ont apporté leurs idées, etc. Donc, c'était un remerciement, quoi. Voilà. On fait partie de la famille. La famille. Et le niveau confinement, comment vous l'avez vécu, vous ? Niveau musical, je parle, pas personnel. On n'a pas fait beaucoup de musique durant le confinement. C'est une période assez compliquée, je dirais, que personnellement, moi, j'ai mal vécu, que je le vis mal encore actuellement, parce que pas de concert, pas de soirée, on ne voit plus les amis, c'est totalement un monde différent. Et ce soir, on est heureux de vous voir. Ouais, tout à fait. Et, plaisir partagé. Voilà. On a attendu, hein, ça fait plus de 6 mois qu'on vous attend ici. Et je tenais vraiment à vous avoir dans les studios pour présenter The Forgotten Garden, parce que finalement, on aurait pu le présenter depuis bien, bien longtemps. Bah oui. Ça valait le coup d'attendre. Alors, l'actualité de Original Band, je suppose, les concerts, bah, ça va être en berne un petit peu. C'est ça. Vous avez peut-être d'autres passages radio, d'autres non, interviews ? Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, on est ici ce soir et nous sommes ouverts à toute proposition. Radiophonique, bien sûr. Radiophonique. Oui. Ouais. Bah, de toute façon, on a un beau carnet d'adresses. Hein. On va vous filer une paire de confrères radiophoniques. Merci. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cet album, les gars? Qui a fait la pochette, qui est très belle d'ailleurs? Pascal. C'est moi. Je bosse dessus. Dans son salon. Sur l'artwork. C'est compliqué parce que je suis un insatisfait. Éternel. Donc, oui. Ok, voilà. Oui. Donc, voilà, on est arrivé à un accord. J'ai toujours demandé l'avis de Ludo. De toute façon, on fonctionne comme ça. Hein. On respecte l'avis de l'un et de l'autre. On fait pas, on décide pas chacun de son côté. On décide tout ensemble, comme des frères. C'est ça, un duo gagnant. Ben, moi, je connais. Hein, que j'ai un autre voilà, duo exactement. Gagnant. Là, tout à fait. Tout à fait. Qui est dans ce jardin oublié? Alors, on pourrait dire deux choses. Donc, le jardin oublié, parce qu'Original Band s'est fait oublier. On a préféré se faire oublier pendant un certain temps et de revenir avec quelque chose. Donc, le jardin des oubliés, je dirais que c'est nous. Et la seconde chose, le jardin des oubliés, pour moi, c'est l'image des gens qui sont partis. Et parfois, malheureusement, certains les oublient. Donc, c'est une dédicace à tous ces gens partis. Enfin, moi, personnellement, je continue à penser à ceux qui sont partis. Mm-hmm. Donc, c'est une dédicace à ces gens-là. C'est une dédicace pour la maman de Ludo qui est partie récemment. C'est une dédicace aux potes. J'ai perdu des potes. Donc, voilà, je leur dédicace. Et avant tout, on dédicace cet album à nos femmes, à nos enfants. Parce qu'ils ont une putain de patience, parce que la musique, ça prend énormément de temps. Beaucoup d'émotions. Bah écoutez, bravo les gars, franchement, je ne sais pas si Greg veut rajouter quelque chose, qu'il est occupé avec son téléphone. Est-ce que dans votre jardin, vous ferez pousser du houblon? Pourquoi pas? Il y a peut-être une garden party prévue pour... Non, il y en a sur la table. Je vous répète, franchement, bravo, super boulot les gars, vous revenez quand vous voulez. Si vous avez encore de la matière, bah, revenez avec... On reviendra. Avec plaisir. C'est promis. Avec plaisir. Donc, merci à Peter Henman. Oui. On l'embrasse. Merci à Zen. Écoute. Jérôme Bontier. Merci à Jérôme Mopti, qui, sur certaines compos, a porté sa touche. Ouais. Merci à Jérôme Gumet. Merci à Sans Pleurs et Sans Reproches. Merci aux autres groupes. Je pense à Daguest. Je pense à Shiny Darkness. Mm-hmm. Avec qui on a collaboré pour des mini-festivals, iSynth. Voilà, ce sont des gens formidables. C'est une famille formidable. Et vous êtes formidable. Arrête, tu vas avoir des trémolos dans la voix, sinon. Merci. En tout cas, bah, c'est ça, la puissance du nord de la France, hein, c'est cette famille musicale. Bravo à vous, les gars, Original Band, The Forgotten Garden. Excellent album, vraiment. J'ai vraiment du plaisir à l'écouter. Comme je t'ai dit hier, je l'ai écouté en boucle 3 fois. Oui. Et c'est très rare que ça m'arrive. Et surtout, merci à Martial. C'est un pote qui nous a suivis depuis le début. Il est toujours là. Il est toujours en retard, en plus, il n'est pas encore là. C'est un garçon formidable. Non, il doit ranger sa chambre. On l'aime. Chez lui. Alors que, comme prévu, on s'écoute le In My Mind, avec des petits relents de front de K2. C'est pas fait exprès, on s'est pas concerté avant. Bonne écoute. Bonne soirée. Bravo à vous, les gars, bravo. Merci. Merci à vous. We can say that we won. This is how we grow. This is how we grow. Galaxy. Nouveauté, nouveauté, nouveauté, nouveauté, nouveauté. Try to understand In my mind, everything is blurry, everything is wave. In my mind, in my mind. I go step by step on the path of life. We've obstacles and problems. Dwell on the past and live in the present, and live in the present. Encore une fois, merci à Ludovic et Pascal de Original Band de nous avoir laissé présenter leur nouvel album de Forgotten Garden. Ça sort physiquement donc fin octobre. On en repassera de toute façon dans l'émission. Évidemment. Déparation. Lors d'une bonne séquence électropop. Voilà. Alors vous avez sûrement écouté le premier morceau de l'émission, Non Amy Song. Là, on s'est écouté In My Mind, qui est assez EBM quand même. Hein. Et la semaine prochaine, je vais vous passer mon morceau préféré de cet album. Oh, il était aimé. Bah ouais, tu sais. c'est pas une angine, hein. C'est très mollo dans le... C'est vraiment plus chantier. Voilà, ce sera Reason to Live. Bah écoute, je te laisse le relais, tiens. Allez, écoute, moi, je vais un peu ternir l'ambiance et on va se plonger dans le monde de l'industriel nord-américaine, notamment avec Youth Code. Oui, pendant cette période de virus où tout le monde était confiné, eh bien nombre d'artistes, de labels ont proposé des initiatives pour faire vivre la musique de manière gratuite sur les réseaux sociaux, sur internet. Et Youth Code a proposé le titre, un single comme ça qui est venu de nulle part, qui s'appelle Puzzle, qu'ils ont proposé gratuitement sur une plateforme qui s'appelle Isolate Create. Le principe est simple, hein, tous les artistes qui veulent y participer adhèrent au site internet et proposent toutes les pistes, voix, musique, etc., effets, sur ce site. Et n'importe qui peut aller piocher et faire des remixes. C'est le but du truc. Alors, ce titre Puzzle a rencontré un succès incroyable. Même le groupe a même pensé à en faire un futur EP digital, peut-être la prochaine production de chez Youth Code. Et voilà. Donc, je trouvais la démarche vraiment super, super intéressante, très généreuse. Surtout venant d'un groupe comme Youth Code, qui, franchement, est vraiment très étoffé aujourd'hui. En plus, ce morceau, vous allez voir. Bon, c'est la version de Youth Code que je vous passe. C'est pas un remix. C'est vraiment pour moi aussi la meilleure. On enchaînera avec un autre groupe, issu de la même veine musicale, très, électro-industrielle, très inspiré par Skinny Puppy et toute la scène suédoise des années 90, c'est Hyde. Ils ont proposé également pendant le confinement un EP digital qui s'appelle Kill Your Head, qui propose deux reprises de groupes punk des années 80-70. On s'écoutera Blockbuster, une autoproduction qu'ils ont sortie sur leur Bandcamp. Et on terminera avec le grand monsieur John Fryer, qui a proposé également ces dernières semaines un instrumental d'une quinzaine de minutes. Bien sûr, pour les besoins de l'émission, c'est un edit spécial sans pleurer sans reproche que j'ai pu monter. Black Needle Noise with Dr. Strange Fryer, qui est bien sûr le mentor de ce groupe. Le titre, c'est Sticky. Et je vous laisse dans les méandres lugubres et très très dark de la musique industrielle, ma foi, par des producteurs de haut, très haut niveau. Electro, Indus, Pop, Body, Rock, Dark, Goth, Sampleur et Sans Reproche. Toute l'actu Electro Indus sur Lille. I'm John Fryer from Black Needle Noise, and you are listening to Sample et Sans Reproche on Galaxy Radio. Moi, je suis assez fan de ce genre d'atmosphère très pesante, de la pure électro-industrielle. On a démarré cette séquence avec les géantissimes, le duo de Youth Code et le titre Puzzle, un titre proposé gratuitement, enfin pour l'utilisation libre de leurs pistes et voix pour des remixes sur le site internet Isolate Create. Puzzle. Vraiment très bon. Ensuite, c'était Blockbuster une reprise du groupe The Jesus Lizard, provenant d'une cassette single parue par le groupe Hyde sur leur propre Bandcamp. Le groupe est originaire de New York et a également sorti en cette année 2020 un somptueux live qui s'appelle Live at Café Cléopâtre. Une expérience assez incroyable, bourrée d'improvisation, vraiment excellentissime à découvrir, également sorti en autoproduction. On n'en est pas moins sûr d'une prochaine sortie sur le label Dice Records, hein, qui les héberge depuis 2017. Un grand groupe. Impossible pour moi, après Youth Code et Hyde, de passer un petit clin d'œil à Christophe de Mourmansk 150. C'est lui un petit peu qui m'a dirigé vers ses productions. Je le salue, je le remercie. Pour terminer, le grand, l'immense producteur John Fryer et son projet Black Needle Noise, qui ne cesse de produire des singles digitaux sur sa page Bandcamp, qui est à chaque fois proposé gratuitement, librement. Là, il s'agit d'un instrumental que je trouve assez étonnant, puisqu'il a sorti énormément de collaborations avec des choses beaucoup plus rock ou new wave. Et là, non, il propose quelque chose de plus axé électro-industriel, très, très typique du début des années 80. Ça s'appelle le Sticky, une version bien sûr qui dure, je crois, 11, plus de 12 minutes et que j'ai réussi à mixer. Je me suis beaucoup amusé à le faire, à la réduire au maximum, mais aussi au maximum de sensations. Voilà, Black Needle Noise, que je ne cesserai de vous diffuser dans l'émission. Je laisse place maintenant à Walter pour la suite de la programmation. Et on retrouve une nouveauté de chez Electro Commando Product. Ça ne sortira que le 25 septembre. J'avais présenté la semaine dernière Resistor, qui sort donc chez EKP. Là, on va s'intéresser au troisième album de Clona Venus, qui sort sur Space Race Records, sa branche sucrée. Clona Venus est un duo romain composé de Paolo Kennitz, qui est aussi DJ, à 16h d'ailleurs, très bon DJ. Et il s'acoquine avec Safio. Ils font leur musique depuis 2005 et sortent cet album qui s'appelle tout simplement Motionless. 11 titres avec un remix de leur compatriote de Temple Beat. C'est vraiment une musique très mélangée. Je ne pense pas qu'il s'agisse du meilleur album de Clona Venus, mais toujours est-il qu'il est très écoutable. On s'intéresse au morceau My Crying Bride. C'est un featuring avec Valérie Helly. Yeah. Premier Clone à Vénus avec My Crying Bride, c'est un featuring avec Valérie Haley. Vous pouvez la voir sur YouTube d'ailleurs. C'est extrait du nouveau CD de Clone à Vénus qui s'appelle Motionless. Ça sortira fin septembre sur Space Race Records. On est resté en Méditerranée avec le projet d'un DJ espagnol qui s'appelle Oscar Paya. Son projet c'est Splatterpunk, c'est une bonne musique hybride. Et là il sort un très bon EP avec 9 morceaux. C'est Axial Crew. Il y a des remixes de Cute Hills, People Theater et Frank Cartel. On s'est écouté le morceau Natura Morta, remixé par Frank Cartel. Et ça sort sur le très très bon label berlinois Black Leather Records, dont je vais vous présenter quasiment toutes les productions. Allez, c'est la petite minute littéraire. Le splatterpunk est un courant littéraire né dans les années 80 et inspiré par le mouvement punk, à l'initiative du romancier David Chow. parlais de blockbuster tout à l'heure, Greg. J'en ai présenté un, c'est Portion Control. Le morceau Rise Up de l'album digital Head Buried. Je ne comprends toujours pas pourquoi les médias underground parlent de ce nouvel album en demi-teinte. Je précise que c'est entre guillemets. Hein. Ils insistent sur le fait que les Anglais de Portion Control bossent en même temps sur un tout nouvel album qui promet d'envoyer des tonnes de BPM EBM. Pour tout vous dire, Head Buried était vraiment un excellent album. Le son déchire toujours autant. Il y a quelques chutes industrielles qui auraient fait bonne figure dans les années 80 ou 90. Je vous garantis qu'écouter ce genre de chute de Portion Control procure un plaisir immense. Si vous êtes accro au son démoniaque de Portion Control, vous allez vous régaler. C'est quand même sorti en CD limité à 500 copies sur Progress Productions. Ouais, franchement, j'adore. Très, très bon. Énormissime, très énormissime. Bon. Allez, on poursuit l'émission en bonne route avec une dernière séquence, peut-être encore une petite intervention avant de laisser place à la suite de la programmation sur Galaxy Radio. Mais là, je vous propose de retrouver des promos qu'on a eu la joie de recevoir durant le confinement. Malheureusement, bien sûr, tout n'a pas eu la chance d'être présenté dans les émissions préenregistrées. Néanmoins, voilà, je rattrape un peu mon retard et croyez-moi, la liste est longue. Et je vais même me régaler quand même. Il faut les présenter quand même. On rattrape notre retard, entre guillemets. Je vous propose deux productions de chez Out of Line. Tout d'abord, Rabia Sorda, qui propose un nouveau EP qui s'appelle Destroy. Un EP 4 titres. Et je vous propose un remix qui s'appelle Virus versus Humans. Et bien, justement, ça tombe très bien. Puisque ah, tu m'étonnes. Puisque c'est en plein dans l'actualité. Et ça démonte. Alors, toute cette séquence va aller dans tous les sens. De l'électro, breakbeat, drum and bass, trip-hop, même raga sur certains titres. Vous allez voir, c'est un truc de maboule. Mais tout ça, gérer la ligne de mire, la ligne de conduite, c'est l'électro, le BM et la synth-pop. Vous allez voir, c'est génial. Donc, Rabia Sorda, Destroy. Ensuite, les sud-américains de The Antwoord, dernier album qui est paru, il s'appelle House of Zeph. Zeph, c'est le gars du duo. Il a créé son propre label, Zeph Records, et il sort ce nouvel album, ce dernier album là-dessus. Et on s'écoutera le titre Future Baby. Vous allez voir, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Et on terminera avec Yellow Lazarus, un nouveau combo allemand. Ils proposent Tangier sur le EP The Mark Inside. C'est leur première production chez Out of Line, leur première production tout court, c'est un nouveau projet. Et vous allez voir, ça parle dans tous les sens, c'est un crossover vraiment millésimé. C'est parti, Rabia Sorda, The Antwoord, Yellow Lazarus de l'électro, dans toutes ces folies pures et simples. Toute l'actu électro-indus sur l'île. Ça reproche. Soleil sans rien d'oeil.

Un peu tonitruant, hein, je vous l'ai dit, hein, vous avez prévenu, ça va dans tous les sens. Les influences sont multiples, sont assez récentes, mais je trouve l'exercice assez intéressant. Deux productions qui nous ont envoyé en promo par le label Out of Line. Tout d'abord, Rabia Sorda et Destroy Virus versus Humans Remix, extrait du EP digital, paru il y a quelques mois, je crois, en avril. Ensuite, Diantour d'un groupe à part, mais je trouve que ce single Future Baby, allez voir le clip vidéo, est exceptionnel et provient de l'album House of Zef. Zef, c'est le chanteur, le gars en fait du groupe, hein, c'est un couple. Il sort ça sur son propre label, Zef Records, Future Baby. Moi, je trouve que c'est limite l'industriel. Enfin, je trouve ça vraiment bien foutu. Il y a toujours un ou deux morceaux dans leurs albums qui sont vraiment exceptionnels. Et là, c'est le cas pour ce titre. Et on a terminé avec Yellow Lazarus. Bon, c'est quand même assez... voilà. Hein. J'ai osé. C'est tuning un peu, non? Ouais, ouais, carrément, ouais. Donc, toutes les influences sont dans ce groupe. Ils passent même au reggae, tu vois. Tout ça aussi bon. Pour faire un petit clin d'œil. Voilà. À qui? À nos potes de Sound Pharmacy, qui sont revenus dans les studios de Galaxy. Et... ça fait 7 mois qu'on les a pas vus, là, franchement. Donc Yellow Lazarus, c'était Tanger, extrait de The Mask Inside, un EP digital. De la promo. Voilà, donc on termine tout doucement l'émission. Les Sound Formative, ouais, IBG toujours, Sound. Ils sont toujours aussi beaux. Ouais, là, non. Ils sont à fond. Ils pas changé. Toi non plus, t'as pas changé. Merci, moi, je trouve que quand même, leurs cheveux, ils ont beaucoup poussé quand même. Hein. Normal, ils écoutent du reggae. Faut... Même des dreadlocks à la barbe, là, c'est quoi ce bordel? Non mais voilà, retrouvez-les en direct, en vivant sur Galaxy. Ils sont revivants et en direct. C'est parti, Sound Formative. Voilà, jusque 23h. C'est parti. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore à Original Born. Ouais. Salut les gars. Bienvenue dans les studios. Quand vous voulez. À vous de jouer les gars. Sans pleurs et sans reproches.